Salut toi, tu vas voter non? Non? Tu n'es pas au courant qu'il y a les élections européennes le 9 juin prochain? Ah bah ça tombe bien, j'ai un podcast pour toi. Ça s'appelle Action Élections. Avec cette série, tu en sauras un peu plus sur cet événement pour ensuite aller aux urnes. Allez viens, aujourd'hui, on va remonter un peu dans le temps pour voir les grandes dates des élections européennes. Et avec ça, tu comprendras mieux. Ok, alors pour la première date, direction 1957. Pour ceux et celles qui auraient oublié leur cours d'histoire, c'est l'année où le traité de Rome est adopté. C'est ce traité qui marque la création de l'Union européenne. Et à ce moment-là aussi, un nouveau comité se forme au sein de l'Assemblée parlementaire, une grande réunion où les députés discutent de plein de choses. Leur mission, rédiger un rapport sur les élections directes. Le suffrage direct, c'est quand toi et moi, citoyens de l'UE, on peut voter directement pour choisir nos députés. Deuxième date, 1960. L'Assemblée parle d'un projet de convention, présenté par Fernand de Housse. Ce plan détaillé propose de créer une Assemblée, composée de 426 députés, élus au suffrage direct pour un mandat de 5 ans. Problème, la Communauté économique européenne, l'ancêtre de l'Union européenne, ne trouve pas d'accord. Mais attends, certains n'ont pas abandonné l'idée. Car troisième date, 1972, un groupe de travail de la Commission européenne, présidé par Georges Wedel, rédige un rapport. Et dedans, dans ce rapport, il dit en gros que les élections directes sont bénéfiques, car si les gens peuvent voter directement, alors la démocratie, le pouvoir du peuple, serait plus forte. Quatrième date, 1976, on arrive presque à la victoire, car l'acte sur l'élection des 410 députés du Parlement européen est adopté par le Conseil des ministres après 16 ans de discussion. Et enfin la grande date, juin 1979, les toutes premières élections européennes. 180 millions de citoyens sont appelés à voter pour leurs députés au Parlement européen. Pour ces premières élections, le taux de participation est de 63%. Après ces résultats, 7 groupes politiques sont donc formés. Et grâce à ces élections, le Parlement européen devient le premier Parlement international au monde à représenter un système démocratique basé sur la participation citoyenne. Ok, ça fait beaucoup d'infos, je sais, on va résumer. Les élections européennes sont l'événement où tous les citoyens de l'Union européenne peuvent voter pour élire leurs députés au Parlement européen. Ça commence donc en 1957 avec le traité de Rome, mais il a fallu attendre jusqu'en 1979 pour les premières élections. Depuis, ça a un peu évolué, mais ce sont toujours les clés de la démocratie en Europe. Car beaucoup de choses sont décidées par celles-ci, des choses qui ont un impact direct sur notre quotidien. Donc c'est pour ça qu'il est important d'aller voter le 9 juin. Allez, je te laisse sur ça et tu peux retrouver le reste des podcasts sur fadjet.net. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode.